bout du fil le ministre Pierre Corbeil, ministre responsable du dossier autochtone au Québec. Monsieur Corbeil, bonjour. Bonjour, Monsieur Labbé. Comment avez-vous reçu cette sortie-là des Algonquins qui, plutôt cette semaine, disaient ne plus tellement avoir confiance en vous, là? Ben, en fait, malgré ça, on doit convenir ensemble que c'est par le dialogue, les discussions, les échanges directs qu'on va arriver à des solutions qui pourraient être satisfaisantes pour tout le monde. Dans ce dossier-là, comme dans plusieurs autres dossiers, M. Labbé. Oui, effectivement, ça. On vous a entendu à quelques reprises parler de l'importance du dialogue. Pourtant, les Algonquins disent on ne nous a pas vraiment consultés dans ce projet-là. Il n'y a pas un peu incongruité, là? Ben, en fait, jusqu'ici, les mécanismes, les lois, les règlements en vigueur au Québec ont été respectés avant l'émission du certificat d'autorisation. Ma porte a toujours été ouverte. Mon numéro de téléphone est très accessible et bien que j'ai eu à côtoyer certains des représentants algonquins depuis ma nomination au mois de décembre, on n'a pas eu de discussion ouverte, de discussion directe sur le sujet d'Osisko en particulier à ce jour. Alors, je les invite à nouveau et je pense que je vais prendre l'initiative pour qu'on s'assoie à la même table puis qu'on parle, comme je l'ai dit tantôt, de ce sujet-là et de plusieurs autres. Parce que essentiellement ici, je pense qu'on veut entreprendre une démarche qui peut-être nous mènera dans une question de négociation territoriale globale. C'est le processus qui est disponible présentement, mais qui interpelle aussi le gouvernement fédéral. Et il y a peut-être d'autres démarches qu'on pourrait envisager pour arriver à des solutions plus rapides. Maintenant, je sais que du côté d'Osisko, la compagnie et les Algonquins ont déjà eu des rencontres avec des succès plus ou moins mitigés jusqu'ici, semble-t-il. Mais comme j'y ai pas participé et on m'en a pas rapporté la teneur, je pourrais pas aller plus loin pour commenter ces discussions-là. Monsieur le ministre, il y a la Cour suprême qui a statué dans certains arrêts, donc là on parle notamment de l'arrêt AIDA, qui dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on doit, en matière d'exploitation des ressources naturelles, consulter les Autochtones lorsqu'il est question d'exploiter ces richesses-là sur leur territoire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce réflexe-là avec les Algonquins, M. Corbeil? On a ce réflexe-là avec toutes les communautés autochtones au Québec lorsqu'il s'agit de... Comment je pourrais dire ça? Il y a une question de gradation là-dedans. Si on avait... le projet était à proximité d'une communauté, était sur des territoires où il y avait des lieux, des sites d'intérêt ou toutes sortes de choses, il y a des mécanismes de consultation qui sont en place. Maintenant, quand il s'agit de déplacer des résidences dans un quartier d'une municipalité, là, on est un peu plus loin de ce qu'on pourrait appeler des aires d'activité traditionnelles et l'obligation n'a pas la même niveau D'implication de la communauté. Exactement. Oui, parce qu'il semble que les Algonquins s'appuient sur l'utilisation territoriale ancestrale qu'ils faisaient au niveau des territoires de trappe qui soient, dans le fond, qui vont assez près de Rapide 7, Rapide 2, donc près de Malartic. Donc, Rapide 7, Rapide 2, on est quand même à quelque chose comme 40-50 kilomètres une quarantaine de kilomètres de Malartic, là. Oui, effectivement. Donc, selon vous, est-ce que, dans le cas présent, c'est un peu exagéré, l'intervention des Algonquins? J'ai pas à qualifier l'intervention. J'ai hâte qu'on s'assoie puis qu'on parle des zones qui sont sensibles, de connaître les territoires qui les préoccupent, puis aussi convenir qu'on va être en mode partage du territoire. Je pense que les gens de l'Abitibi et du Témiscamingue au complet sont établis pour rester encore plusieurs générations. Les Autochtones étaient là aussi, puis ils sont établis depuis plusieurs centaines d'années. Alors, comment on va établir un dialogue puis convenir des choses pour la suite? Ça, j'ai hâte qu'on commence à faire ça autrement que par médias interposés. Est-ce que ça devrait passer par une sorte de paix des braves avec les Algonquins, M. le ministre? Ben, si c'est le modèle ou le véhicule qu'on veut emprunter, moi, j'ai hâte qu'on entame les discussions sur ça ou sur n'importe quelle autre façon de faire qui conviendra à l'ensemble des interlocuteurs, tant les Algonquins que les Témiscamitibiens. Pierre Corbeil, ministre régional, ministre responsable des Affaires autochtones. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Au plaisir, M. Labbé. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.